Hey, DOC. Ouais. On va se faire ça comme il y a 10 piges. Comme tu sais. Comme en 9-6. Ah, quoi que. Comme à l'époque du lycée. Ouais, comme à l'époque du M-A-13. De B-A-S. La Katian Dako. Comme il y a 10 piges. Ça m'arrive de penser à cette décennie passée dans cette vie, car tout le monde a sa destinée. Ça m'arrive d'écouter des rappeurs, mais j'entends pas d'MC. Si, sauf à côté de moi, mon jumeau dit aussi. Si, si, chacal, si, si. À l'ancienne, on m'appelait dit aussi DMC. Le rap dans le sang, ma plume est atteinte d'hémophilie à 300% depuis la MA3 Family. Ça m'arrive de penser à notre première tournée pour un groupe indépendant intermittent avec les deux NE. J'ai fait, on avait plus qu'on ne pouvait. On a sacrifié nos vies pour faire ce qu'on fait. Rap foncé, t'as spézé, yo. L'époque des francs était douce comparée à celle de l'euro. Elle était bonne l'époque des freestyle dans le métro. Allergique à la SNCF, on ne bouge pas sans fagot. Je passe dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. Je passe dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. Où te trouvais-tu la 10 piges? Quand on sillonnait les rues, les routes, les pays, les villes. La 10 piges, sur petite ou grande scène. Efficace aussi sûr, c'était sûr que c'est une bonne graine. La 10 piges, toujours autant de prima. J'ai qu'il faisait ses tiges, je vivais ma vie de dollar. Comme la 10 piges, les voyous au mic faisaient rare. Et je pensais pas vivre ma vie star, on j'tape. Le plus 10 piges, et tu lèches la de balle touche. Ça couche, sèche, le style casse tes bouches. Dès qu'il y a une brèche, donc on arrive tous. Comme la 10 piges, ambiance de la brousse. La 10 les ados que nous étions, passés par divers chemins pour gravir les échelons. Tant de michetonneuses et de michetons, de vrais chiens, peu de chatons, des lions et des lions, beaucoup de formes, très peu de fonds. Je passe dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. Je passe dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. À cette heure-ci, c'est du rap pour les anciens, pour les petits, pour les minorités de France, notre continent, notre pays. Depuis le temps qu'on écrit, on n'a jamais raccroché le chromis. De balles crachées par un gun à un fusil. Voilà l'état d'esprit, faut pas se tromper d'ennemis. Aujourd'hui, on se perd tous dans des fashionneries. Mon rap est sans regret, mais plein d'espoir. Dans le rap, y'a du progrès, des vérités, des bobards. Conclusion faite, en direct, pour certains, c'est trop dur de finir sans en fait. Faire gagner, arriver ex aequo, c'est pas le but. Toi-même, tu sais que je supporte mal. On me dupe de balles dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. A cet instant tout me paraît parfait. Mais les gars la chute car ici pas personne n'est parfait. Comme la Tipeee. De B.A.L. Des balles dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. Des balles dans le chargeur comme la Tipeee. Toujours au top des blocs. Pour l'amour du jeu comme la Tipeee. Sérieux, rageux, on fait feu comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee. Toujours au top des blocs comme la Tipeee.